人版。Alors, je cherche un job et je viens chez vous voir ce que vous avez pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Rien. Elle est plutôt pas mal cette soirée. Hein? Et t'es plutôt jolie aussi. Ça te dirait de sortir avec moi? Non. J'aime pas. Boulot, ma copine m'a plaqué. Je n'ai marre de cette vie de merde. Je vais me suicider. Ça dit d'être mon ennemi sur Facebook. J'aime pas. J'ai plus de boulot, ma copine m'a plaqué. Je m'ai marre de cette merde. Je vais me suicider. Elle est plutôt pas mal cette soirée. Elle était plutôt jolie aussi. Ça te dirait d'en tirer avec moi? Non. J'aime pas. J'aime ça.